إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui cette sixième partie dans la réponse à ceux qui appellent les salafis des madakhila. Ils donnent aux salafis le surnom ou le sobriquet de madakhila par référence au cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah et à tous les autres mashaykhs parmi les mashaykhs salafiyin de la tribu des Madkhali ou des Madakhila. Donc ils font ce genre de sobriquet là, et ou bien ils les appellent des Jamiyin ou des Jamiya, et les deux c'est la même chose. Et on a cité au dernier cours ou à la dernière conférence jeudi passé des paroles des ulama, parmi les grands ulama salafiyin de notre époque et parmi ceux qui sont décédés. On a mentionné les paroles de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On a mentionné les paroles de Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah. Et on a mentionné également les paroles de Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah. Et on a mentionné également les paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et donc on va continuer aujourd'hui. On a parlé aussi, on a mentionné les paroles de Cheikh Salih Al-Luhaydan, hafizahullah. Et on va mentionner aujourd'hui encore d'autres paroles des ulama à ce sujet, inshallah, les éloges. Donc on va citer ça. Mais juste avant de continuer avec les paroles d'autres parmi les ulama, je vais vous lire une autre parole de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, dans la cassette Al-As'ila As-Suwaydiya, la partie numéro 2. Dans la cassette, on a posé la question au Cheikh à propos de Al-Jamiyya. Il dit في الشريط الأسئلة السويدية الجزء الثاني مما يلي: عندما سأله أحد الحضور أن ينصح الشباب من الجامية من أنها فرقة خطيرة. Donc ça c'est lorsque un d'entre les jeunes parmi ceux qui étaient présents dans l'auditoire a demandé au cheikh de donner un conseil aux jeunes à propos de الجامية. Et il a dit que c'est une secte qui est dangereuse. Alors, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit: هل هناك فرقة تسمى جامية؟ وهل قصدهم بذلك القذف في الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله؟ هذا السائل مخطئ خطأ عظيما، وللأسف جانب الصواب. الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي وكل مشايخ المدينة من المشايخ السلفيين المعروفين لدينا بالعلم والعقيدة السليمة، وأوصي الشباب بالاستفادة منهم وقراءة كتبهم وطلب العلم عندهم. ومن قال عنهم جامية فقد سبقوه أسلافهم عندما قالوا أننا وهابية، فنقول لهؤلاء على فهمهم نحن وهابية جامية، كلنا جامية، لأنها مصطلح جديد اخترعه جهال يريدون قذف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكلنا جامية وهابية لأننا سلفيين، لأننا سلفيين إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. Donc on voit que c'est une réponse forte et puissante de la part de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Il a dit, le Cheikh, est-ce qu'il y a une secte qui s'appelle Jamia? Est-ce qu'ils veulent dire par cela, est-ce qu'ils essaient de lancer des accusations contre le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah? Il dit, cette personne qui pose cette question commet une erreur très grave, et il s'est détourné de ce qui est correct. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami et le Cheikh Rabi al-Madkhali et tous les mashaykhs de Médine, parmi les mashaykhs al-salafiyyin qui sont bien connus auprès de nous pour leur science et leur aqidah saine, leur ilm, leur science et leur bonne aqidah, leur aqidah qui est saine. Et il dit donc que je conseille aux jeunes de profiter de ces savants-là, de ces shuyukhs-là, et de lire leurs livres, et de chercher la science auprès d'eux. Et celui qui dit à leur sujet « Jamia », alors ils doivent savoir que leurs prédécesseurs les ont précédés lorsqu'ils ont dit à propos de nous que nous sommes des wahhabiyas. Le cheikh fait le parallèle entre les gens de bid'a qui accusent les salafis d'être des wahhabiyas et ceux qui accusent aujourd'hui les salafis d'être les salafiyins d'être des jamiyins ou des jamiyas ou des madakhila. Le cheikh, il dit, ces gens-là qui font ça, ils ont été précédés par leurs prédécesseurs, les soufis et les rafida et les autres gens de bid'a, qui ont dit à notre sujet que nous sommes des wahhabiyas. Alors on dit à ceux-là, selon leur compréhension à eux, nous sommes des wahhabiyas et nous sommes jamiyas. Nous sommes tous jamiyas. Cheikh Ibn Baz dit, nous sommes tous jamiyas. Parce que cette nouvelle terminologie qu'ils ont inventée, c'est des ignorants qui l'ont inventée et ils veulent par cela lancer des accusations contre la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc nous sommes tous des jamiya wahhabiya parce que nous sommes des salafiyin inshallah ta'ala. Fin de la citation de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Donc je pense que cette réfutation et réponse de la part du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, ça vient de frapper très fort contre ces gens de bid'a parmi les takfiriyin et parmi les ikhwan et parmi les autres groupes de bid'a qui attaquent la da'wa salafiyya et qui attaquent les salafiyin en les accusant d'être des madakhila ou des choses de ce genre. Même si nous on aime tous les ulama d'Ahl Sunnah. Et à l'époque, comme je disais dans l'écho précédent, à l'époque, ils nous appelaient des Baziyin ou des Uthaymaniyin ou bien des Albaniyin. Et là, aujourd'hui, ils nous appellent des Madakhila. Donc, c'est toujours la même chose qui se reproduit à chaque fois. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé justement un document il n'y a pas longtemps à propos de ceux qui justement accusent les Salafiyin d'être des Madakhila. Ils disent dans ce document-là, comme si en parlant des madakhila pour essayer de les définir, pour dire qu'est-ce que c'est ou qui ils sont. Quand tu lis ce document-là, tu vois tout de suite que la personne qui l'a écrit, c'est un takfiri, un takfiri tête brûlée. Il est brûlé dans le takfir et dans la voie des khawarij. Parce que qu'est-ce qu'il reproche aux salafiyin, c'est de suivre le manhaj des salafs. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il reproche au madakhila, c'est de suivre le manhaj des salafs. Et pour lui, le manhaj des salafs, c'est un manhaj qui est dévié. C'est pour lui, la voie des salafs, c'est une bid'a. Donc pour lui, d'être un salaf et de suivre la voie des salafs, c'est quelque chose qui est mauvais. Et donc qu'est-ce qu'il reproche aux salafis? Il dit que les salafiyins, ils obéissent et ils appellent à l'obéissance des dirigeants. Et il accuse les ulama salafiyins d'être des agents pour le gouvernement, et il prétend que c'est une secte qui a été inventée par le ministère des Affaires intérieures de l'Arabie Saoudite. Hein, et que ce sont des agents qui travaillent pour le compte de l'Arabie Saoudite pour faire des rapports contre ceux qu'il appelle les du'ats. Et qui sont ces du'ats? Bien entendu, c'est tous les hizbiyin et les gens qui appellent à la fitna, qui appellent à désobéir aux dirigeants, ou à faire la révolte contre les dirigeants, ou à faire le takfir contre les dirigeants, et les choses de ce genre, hein, et qui prétendent vouloir faire le djihad, mais qui en réalité, bien entendu, font al-fasad fil ard, hein, en faisant exploser des bombes dans les bâtiments ou parmi la population, que ce soit chez les musulmans ou chez les koufars, et qui appellent à toutes sortes d'autres exemples de contradictions de qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna et dans la voie des salaf al-salih, et qui fait l'éloge des hizbiyin et des gens de bid'a de différentes catégories de mubtadi'in, et qui prétend que yani, ces gens-là sont ceux qui font la da'wa et qui sont ceux qui défendent l'islam dans le monde, et ainsi de suite. Donc tout de suite on sent et on voit tout de suite le problème. Comme c'est pour lui, le fait de faire, par exemple, le fait que, parce que ce sont des paroles qu'ils disent au sujet des savants, que les savants dénoncent, hein, c'est les gens qui font partie de ces hizbiyin-là, les dénoncent au gouvernement, et ils disent, ça c'est yani, les actes de la secte des Jamiyah. Premièrement, l'Arabie Saoudite est un pays musulman, donc de parler de cette manière-là à propos de l'Arabie Saoudite, Ça implique nécessairement de la part de cette personne qu'il fait le takfir de ce pays. Donc pour lui, c'est un pays de kufr, l'Arabie Saoudite. Et non seulement ça, mais ça implique également que le fait de rapporter aux dirigeants les noms ou les individus qui font du désordre, qui font de la fitna ou qui appellent à la bid'a, et de les dénoncer auprès du gouvernement et d'écrire des rapports sur eux, que ça c'est quelque chose de mauvais, hein, alors que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et le fait de, justement, clarifier la vérité pour les gens et de mettre en garde contre l'égarement, tout ça, c'est des choses qu'on reproche, alors que ce sont des choses qui sont bonnes pour celui qui a compris l'islam correctement. Hein? Mais pour ces gens-là, bien entendu, pour eux, étant donné que tous les pays musulmans sont des pays de kufr, et que tous les dirigeants sont des koufars, et que pour eux, tous ceux qui dénoncent les gens parmi les khawarij qui font du takfir et qui font du terrorisme, si on les dénonce, pour eux ça c'est de l'hypocrisie et des choses de ce genre. Donc on comprend tout de suite que c'est des gens qui ont renversé la religion à l'envers et qui ont une compréhension totalement renversée des réalités de l'islam. Pour eux, le vrai est devenu le faux et le faux est devenu vrai, la bid'a est devenue sunna et la sunna est devenue bid'a, le djihad est devenu fasad et le fasad est devenu djihad, hein? Et donc, ça c'est la réalité des gens de l'innovation et de l'égarement de façon générale. Donc, ayant commencé avec cette citation, parce que je ne l'avais pas lu la dernière fois, donc on a commencé avec cette citation de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, qui est une tazkiya claire, hein, et nette à propos de Cheikh Rabi' al-Madkhali, de Cheikh Mohammed Aman al-Jami et des autres mashaykh parmi les mashaykh salafiyin de Al-Madinah. Donc, on va continuer maintenant avec les paroles de Al-Allama, Al-Sheikh Mohammed ibn Abdullah Al-Subayl, Rahimahullah, il est décédé il y a quelques mois de ça, Rahimahullah, et il a dit, كما في الأسئلة السويدية سئل بما يلي, سئل بما يلي, ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين مثل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله حيث يقول إن أشرطة الشيخ ربيع تثير الفتنة فأجاب قائلا أعوذ بالله لا شوف هذين الشيخين أشرطتهم من أحسن الأشرطة وهؤلاء يدعون إلى السنة وإلى التمسك بالسنة ولكن ما يتكلم بهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى أكثر ما يتكلم بهؤلاء أهل الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب هم الذين ينكرون هذه الأشياء أما بالنسبة لهذين الشيخين معروفين بالسنة وعقائدهم السلفية وهم من أحسن الناس. Hein? وهم من أحسن الناس. On va traduire cette parole ensemble. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Subayl, rahimahullah, dans Al-As'ila al-Suwaydiya, on lui a posé la question: quelle est votre nasiha au sujet de ceux qui interdisent les cassettes des mashaykh, parmi les mashaykh de Ahl al-Sunnah, qui sont connus comme le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, du fait qu'ils disent que leurs cassettes, hein, les cassettes de Cheikh Rabi', elles font de la fitna, elles créent de la fitna. Hein? Donc le Cheikh Subayl, il a répondu en disant « A'ouzou billah », c'est-à-dire « Je cherche refuge en Allah de cette parole ». Il a dit « Regarde, ces deux chouyours, leurs cassettes sont parmi les meilleures cassettes et ces gens-là appellent à la sunna et à s'accrocher à la sunna. Mais les gens qui parlent contre ces deux mashaykh, ils ne peuvent être que des gens, la personne qui parle contre ces deux mashaykh ne peut être qu'une personne qui suit sa passion parmi les gens de bid'a. Hein? La plupart de ceux qui parlent contre ceux-là, contre les mashaykh, comme Cheikh Rabi', Cheikh Mohammed Aman, ils disent ce sont des gens de passion, les gens qui suivent des partis et qui appartiennent à des groupes et des partis. Hein? Donc eux, ce sont eux qui critiquent et qui dénoncent ce genre de choses. En ce qui concerne ces deux chouyours, hein, les deux cheikhs, ils sont bien connus comme étant sur la sunna et leur aqida, elle est salafia, et ils sont parmi les meilleurs hommes. Ils sont parmi les meilleurs hommes. Donc ça, c'est une réponse claire et nette, hein, de la part de Cheikh Mohammed al-Subayl à ce sujet. Et le Cheikh Mohammed al-Subayl, il a également écrit dans l'introduction du livre de Cheikh Rabi', lorsque Cheikh Rabi' a réfuté Abdurrahman Abdul Khaliq, l'Égyptien qui est au Koweït, qui est rentré dans le Parlement, hein, il l'a réfuté dans un livre qui s'appelle An-Nasr al-Aziz ala Radd al-Wajiz. OK? Et dans l'introduction, le Cheikh Mohammed Ibn Abdullah al-Subayl, il a écrit une préface dans ce livre. Et il a dit, le Cheikh Subayl, il a dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فإن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من العلماء المعروفين والدعاة المشهورين في الأوساط العلمية في المملكة العربية السعودية، وقد عرف بتمكنه في علوم السنة وغيرها من العلوم الشرعية، ولفضيلته جهود كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح والدفاع عن العقيدة السلفية الصحيحة والرد على المخالف لها من أهل البدع والأهواء، بما يذكر فضيلته فيشكر لما يذكر لفضيلته فيشكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمه وأن يزيده من التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وآله وصحبه. Donc ça c'est la parole de Cheikh Mohammed Subayl dans l'introduction de la réfutation de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali contre Abdurrahman Abdul Khaliq, l'Égyptien du Koweït, celui qui défend les groupes islamiques de toutes les tendances, que ce soit des djihadis ou des takfiris ou des tablighis ou des ikhwanis, il les défend, hein, et en plus il encourage cela, et en plus il rentre dans le parlement et il encourage d'entrer dans les parlements, et en plus il encourage le takfir, et il appelle à, qu'est-ce qu'ils appellent à, comme les sururiya, hein, il appelle à qu'est-ce qu'on appelle al-hakimiya, la bid'a des sururiya et des ikhwan et des takfirines qui se concentrent sur al-hakimiya pour faire le takfir des gouvernements. Donc ça c'est les exemples sans parler du fait qu'il critique et qu'il dénigre les ulama et qu'il dénigre même ses propres professeurs, ses propres shuyukh. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour les ulama. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit maintenant le Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Subayl à propos de yani Cheikh Rabi' dans l'introduction de son livre? Donc déjà le fait qu'il a accepté de faire une préface à ce livre, ça c'est déjà un grand signe. Deuxièmement, il dit louange à Allah et paix et salut sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et ensuite son excellence le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ce professeur de l'université islamique à Médine, al-Madina al-Munawwara, fait partie des ulama qui sont bien connus. Et parmi ceux qui invitent, qui font la da'wa et qui sont célèbres, qui sont connus pour leur da'wa, parmi les centres de science en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les milieux scientifiques. Donc ils sont connus dans les milieux scientifiques, il est connu dans les milieux scientifiques comme faisant partie des du'at, comme faisant partie des ulama. Et il dit, et il a été connu pour sa maîtrise dans les sciences de la sunna. Et d'autres également parmi les sciences de la charia. Et son excellence a de grands efforts dans la da'wah à Allah et dans la méthodologie des salaf salih et dans la défense de l'aqidah salafiyya qui est propre et authentique et dans la réfutation des opposants de la sunna et de la voie des salaf et de l'aqidah des salaf parmi les gens de bid'a et de passion. Et ça, ça fait partie des choses qu'on mentionne à son sujet et pour laquelle il est remercié. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire continuer et de faire perpétuer ses grâces sur lui et de l'augmenter dans le tawfiq, c'est-à-dire dans le succès et dans la droiture. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Donc qui parmi les gens peut parler contre le cheikh après des exemples de paroles d'éloges de cette façon? Et comme j'expliquais au dernier cours, contrairement à ce que l'autre prétendait, yani Bachir de Bachir le Tunisien, qui cachait sa face quand il était à Paris, puis qui, lorsqu'il est arrivé en Tunisie, a commencé à dévoiler tout ce qu'il cachait de haine contre la salafia et les salafis. Et dans sa réponse, lorsqu'on lui a posé la question sur les madars, et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le cheikh, avant, les savants, ils lui faisaient des éloges, mais après, il a changé. Qu'est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé, le cheikh. Déjà, ceux qui faisaient l'éloge à l'époque, ils sont encore vivants aujourd'hui. Et ceux qui sont plus vivants aujourd'hui, leurs élèves sont encore vivants aujourd'hui et ils continuent de faire ces éloges encore aujourd'hui. Donc s'il y avait un problème, ils auraient mentionné qu'il y a un problème. Aucun d'entre eux a mentionné qu'il y a un problème. Sauf si quelqu'un il avait des choubouhats ou des choses comme ça, comme certains, par exemple Abdullah ibn Jibrin. Eh bien ça a fait sortir la réalité de ce qu'il cachait. Et en même temps, on a vu que c'est un ikhwani, et qu'il oppose les ulama dans ses fatawas, et qu'il défend des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et la voie des salaf al-salih. Et donc, en s'opposant à la vérité, il s'est fait tomber lui-même. Comme il y a des gens qui disent, ah, mais vous faites sortir tout le monde de la salafia. Vous faites sortir tout le monde de la salafia. Vous avez laissé personne. La réalité, c'est que c'est les gens qui se font sortir de la salafia eux-mêmes, par leurs paroles et par leurs actions. Quelqu'un ne peut pas faire sortir quelqu'un, sauf si la personne ne s'est pas fait sortir elle-même, soit par des paroles qui sont en contradiction avec les fondements et les principes des salafs, ou bien il a opposé l'islam par des paroles et des actions, et une fois qu'on lui a expliqué ces choses-là, qu'on lui a clarifié ces choses-là, eh bien, il refuse de revenir à la vérité et il s'obstine dans son égarement et dans son aveuglement. Et en plus, non seulement il s'obstine, mais parfois même, il devient encore pire. que ce qu'il était avant qu'on lui mentionne ses erreurs. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, ça, c'est les exemples. Nasallallahu an yahfazana. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de l'aveuglement et de l'égarement et de toutes les formes de déviation dans la parole et dans l'action et dans les croyances. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Maintenant, on a lu les paroles de Cheikh As-Subayl. Maintenant, on va lire les paroles du Cheikh Al-Allama Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil, hafidhahullah. Lui également, il est également décédé dernièrement, rahimahullah, il y a peut-être de ça une année ou deux. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est le Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil. Et je l'avais rencontré en 2010 à Mecca, dans la mosquée. Il venait régulièrement pour faire la Umrah dans les dernières années de sa vie. Et il donnait parfois quelques durus. Et le cheikh, il venait, il était en chaise roulante parce qu'il était devenu très très vieux. C'était lui qui était le juge en chef du tribunal supérieur de l'Arabie Saoudite avant le cheikh Al-Luhaydan. C'est un des grands savants en Arabie Saoudite, un des grands ulama. Donc, Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil, hafizahullah, il dit: لقد كنت أنا ومجموعة من طلاب العلم حفظه الله في مكتبته العامرة أثناء قراءتنا عليه في صحيح مسلم. نعم. Donc, ça c'est le Cheikh. C'est le Cheikh Abu Hammam qui parle. Abu Hammam Muhammad ibn Ali al-Sawma'i al-Baydani, un des élèves de Cheikh Rabi'. Ça c'est son témoignage par rapport à la visite du Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Aqil. La visite du Cheikh al-Aqil de Cheikh Rabi', quand il est venu chez le Cheikh Rabi'. Il a dit: كنت أنا ومجموعة من طلاب شيخنا حفظه الله في مكتبته العامرة أثناء قراءتنا عليه في صحيح مسلم سنة 1428 هجريا. فجاء العلامة عبد الله ابن عقيل وسلم على شيخنا وقال له: هات رأسك أقبله. فقال الشيخ ربيع: أستغفر الله أستغفر الله. فجعل ابن عقيل حفظه الله وبعد فجلس ابن عقيل حفظه الله وبعدما سأل شيخنا عن صحته قال: يا طلبة العلم عليكم بالشيخ ربيع عليكم بهذا العالم، والله إذا ذهب من بين أيديكم لتعدن أصابع الندم. Donc ça c'est récent, ça c'est يعني il y a quelques années de ça. Le cheikh Al-Baydani Al-Sawma'i, il dit, Abu Hammam: j'étais avec un groupe des élèves de notre cheikh Rabi', hafizahullah, dans sa grande bibliothèque. Et pendant que nous étions en train de lui lire Sahih Muslim, ça c'était en l'an 1428, donc il y a quelques années de ça, donc à ce moment-là, le cheikh Al-Allama Abdullah ibn Aqil est venu et il a donné le salam à notre cheikh et il a dit: donne-moi ta tête que je l'embrasse. Et le cheikh Rabi, il a dit: astaghfirullah, astaghfirullah. Alors le cheikh ibn Aqil s'est assis, hafizahullah, et après avoir demandé à propos de la santé de notre cheikh, c'est-à-dire à propos de la santé de cheikh Rabi, le cheikh Abdullah ibn Aqil a dit: ô vous étudiants de science, accrochez-vous au cheikh Rabi, restez avec lui, accrochez-vous à ce savant, parce que par Allah, je jure que s'il part, vous allez mordre vos doigts de regret. Vous allez mordre vos doigts de regret. Yani de ne pas avoir profité de sa science. Donc ça, c'est les paroles de ce grand savant à propos de Cheikh Rabi. Cheikh Abdullah ibn Aqil, hafizahullah. Et ça, c'est des choses qui nous font comprendre en même temps aussi, mais ça, je le dis en passant, qui nous font comprendre en même temps l'importance de commencer la quête de la science lorsqu'on est jeune, lorsque quelqu'un est jeune. Pourquoi? Parce que ça lui donne l'occasion justement de rencontrer des ulamas qui sont plus âgés. Et puis, comme on peut constater maintenant, yani, les hommes de science, comme le Cheikh Abdullah ibn Aqil, le Cheikh Soubeil, et le Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, yani, c'est des mashaykh, yani, subhanallah, ils sont tous morts les uns après les autres, Cheikh Mouqbil et d'autres, yani, alors qu'ils étaient vivants il n'y a pas longtemps. Donc le fait de commencer quand on cherche la science jeune, on rencontre des ulamas hein, qui sont parmi les plus âgés et on profite beaucoup de ça et on bénéficie beaucoup de ça. Tandis que lorsque on tarde trop pour chercher la science, eh bien on retrouve que des ulamas qui sont moins âgés et on perd du bienfait et de la sagesse et de l'exemple de ces hommes qui yani, ont non seulement la science mais également l'âge, l'expérience et la sagesse avec eux yani. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important hein, et que yani, parfois on ne fait pas attention à ça. Donc donc après avoir lu maintenant la parole de Cheikh Abdullah ibn Aqil, on va lire maintenant les paroles de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Le Cheikh il dit قال في كتاب فضائح ونصائح يعني أنصح il dit أنصح إخواني في الله بقراءة كتب الشيخ ربيع حفظه الله وأن يستفيدوا منها. Donc le Cheikh Muqbil il dit dans son livre فضائح ونصائح la page 36: je donne le conseil à mes frères en Allah de lire les livres du Cheikh Rabi, hafizahullah, et de profiter de ceci. وقال في كتاب تحفة الأريب في الجواب على السؤال رقم 75 وأنصح بقراءة كتاب أخينا في الله ربيع بن هادي جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. Donc dans son livre Tuhfatul Arib, c'est dans la réponse à la question 75, il dit: je donne le conseil de lire le livre de notre frère en Allah Cheikh Rabi' ibn Hadi, le livre qui s'intitule Un seul groupe et non pas plusieurs, et Un seul chemin et non pas une dizaine. Alors, il dit parce que c'est un livre qui est suffisant, hein, fin de la citation. Donc ça c'est un autre exemple. Le Cheikh il dit, Cheikh Mokbel aussi il dit dans un autre livre, ou bien dans le même livre mais à la page 121, la question 123, il dit يعني قال محفزا طلاب العلم إلى الرحلة إلى أهل العلم الذي ننصح به أن يراسلوا أهل العلم وإن استطاعوا أن يرحلوا إليهم فعلوا مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع ابن هادي والشيخ ابن عثيمين فإن استطاعوا أن يرحلوا إليهم فعلوا وإن لم يستطيعوا أن يرحلوا إليهم فبواسطة الهاتف والمراسلات انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh il dit à la question 123, en incitant les étudiants en sciences de voyager vers les hommes de science et d'aller leur rendre visite, il dit et nous donnons le conseil hein, la chose que nous conseillons c'est aux étudiants de science de rester en contact avec les hommes de science, et s'ils peuvent voyager vers eux, alors qu'ils le fassent, comme l'exemple du Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, le Cheikh Rabi' Ibn Hadi, et le Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, s'ils sont capables de rester en contact avec eux, s'ils sont capables d'aller les visiter, ils le font, et s'ils ne sont pas capables, alors s'ils ne sont pas capables d'aller vers eux, eh bien ils restent en contact avec eux par le moyen du téléphone ou des échanges par écrit. Donc ça fait partie des exemples des témoignages de Cheikh Mouqbil, et il y en a d'autres bien entendu. Parmi les exemples des témoignages de Cheikh Mouqbil, des nombreux témoignages de Cheikh Mouqbil à propos de Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Il y a les suivants. سئل الشيخ رحمه الله في شريط الأسئلة الحضرمية ما رأيك في من يقول عن الشيخ ربيع أنه متهور؟ Donc فأجاب رحمه الله الشيخ ربيع قال رحمه الله الشيخ ربيع له خبرة بمعرفة الواقع لأنه عاش مع الإخوان المفلسين زمنا طويلا والحمد لله هو أحسن من يعالجون الأمور وينكر على المبتدعة ابتداعهم فأسأل الله أن يحفظه. Donc ça c'est la réponse de Cheikh à propos de ce sujet. Non. Donc on a demandé la question à Cheikh Mouqbil dans la cassette les questions de Hadramaut, l'as'ila al-Hadramiyya. Quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit à propos du Cheikh Rabi' qu'il est trop pressé, il se précipite trop, ou impulsif, qu'il est impulsif ou des choses comme ça? Alors qu'est-ce qu'il a répondu le Cheikh? Cheikh Mouqbil, il a dit, le Cheikh Rabi', il a une connaissance et une expérience de la réalité des choses parce qu'il a vécu pendant longtemps avec les Ikhwan al-Muflisin. Alhamdulillah, il est parmi les meilleures personnes qui sont capables de remédier à ces problèmes, à ce genre de problèmes, et à condamner et réfuter les Mubtadi'a et leurs innovations. Et je demande à Allah de le préserver. Donc ça c'est une autre parole de Cheikh Mouqbil. Une autre parole de Cheikh Mouqbil dans la même cassette, c'est une autre cassette, Al-As'ila Sunniyya li'allamat al-diyar al-yamaniyya as'alat al-shabab al-ta'if. Man min absar al-nas bil-jama'at وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فينكشف لكم بعد أيام أنه حزبي. من قال له الشيخ ربيع أنه حزبي فينكشف لكم بعد أيام أنه حزبي وستذكرون ذلك. فقط الشيخ يكون في بدء أمره متسترا ما يحب أن ينكشف أمره، ولكن إذا قوي وأصبح له أتباع لا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده. فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها حفظه الله تعالى. Donc le cheikh, on lui a posé la question dans le livre Al-As'ila Al-Sunniyya li'allamat al-diyar al-yamaniyya, les questions qui ont été posées par les jeunes de la ville de Taif. Et le cheikh Mouqbil l'a dit, parmi les personnes qui ont la plus grande compréhension au sujet des jama'at, c'est-à-dire au sujet des groupes contemporains, parmi les groupes de Hizbiyya, et également de la brume ou de la fumée qui existe par rapport à ces groupes-là à notre époque, il y a le frère, le Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafizahullah, et celui à propos duquel Cheikh Rabi' a dit que c'est un hizbi, après quelques jours, vous allez découvrir que cette personne dont il a parlé est réellement un hizbi. Et vous allez vous souvenir de ça. Donc, c'est possible que la personne en question, au début, il se cache. Mais, c'est-à-dire, il se cache au tout début. La personne en question, c'est un hizbi, mais il se cache Et après quelques temps, on commence à découvrir sa réalité parce que hein, lorsqu'il devient fort, il commence à avoir des adeptes, des gens qui le suivent, hein, il se sent comme si la parole contre lui n'a plus d'effet. Hein, alors là, il montre son vrai visage, sa réalité. Alors il dit, moi je vous conseille donc de lire ces livres, c'est-à-dire les livres de Cheikh Rabi', et de profiter de ces livres. Hein, Hafizahullah. Ensuite, un autre exemple, il dit, « Qala rahimahullah, bihamdillah, ahlu sunnah, yugharlibuna, yani, yugharlibuna, al-mujtama' gharbala. الشيخ ربيع لا تزال طائفة من أمتي الشيخ ربيع لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الشيخ ربيع في أرض الحرمين ونجد بحمد نعم بحمد الله يغربل الحزبيين غربلة ويبين ما هم عليه. Hein? Ça c'est une cassette dans laquelle le cheikh il fait les éloges de Cheikh Rabi', يعني شريط ثناء العلماء على الشيخ ربيع. Donc dans cette cassette, Cheikh Mukbil il mentionne que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la sunna, donc dans le sens de qu'est-ce que le cheikh Mukbil est en train d'expliquer ici, c'est que il dit par la grâce d'Allah, les gens de la sunna sont en train de faire comme un genre de distinction dans la société. Et il dit le cheikh Rabi', comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a toujours un groupe dans ma umma qui va rester victorieux sur la vérité, ceux qui s'opposent à eux ou ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et ils seront toujours sur cette vérité. Donc il dit le Cheikh Rabi' dans la terre des lieux saints et dans le Najd, par la grâce d'Allah, il distingue les Hizbiyin et il clarifie les choses à propos des Hizbiyin et il clarifie ce qu'ils suivent. Donc ça c'est le sens de ce que le Cheikh ici il mentionne et il dit wa. قال الشيخ في جواب له على سؤال أنا أنصح الإخوة بالاستفادة من كتب أخينا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله فهو إن شاء الله بصير بالحزبيين يعني يخرج الحزبية بالمناقيش. قال بعضهم إن بعض المحشين على الكشاف يخرج الاعتزال بالمناقيش وهذا أيضا يخرج الحزبية بالمناقيش وأنا أنصح بالاستفادة من كتبه وكذلك بالاستفادة من أشرطته. أي نعم. Donc il dit ici, il dit, je vous conseille de profiter des livres de notre frère le Cheikh Rabi' ibn Hadi hafizahullah, parce qu'il a une bonne compréhension, inshallah, des Hizbiyin, et il vous sort la Hizbiya avec les ciseaux. Il est très méticuleux, et il fait sortir toute trace de Hizbiya qui existe quelque part. Il dit certains ont dit, par exemple, certains qui ont écrit qui ont fait des commentaires, ou qui ont fait des annotations par rapport au livre Al-Kashaf. Al-Kashaf, si je ne me trompe pas, c'est le livre de tafsir de Az-Zamakhshari. Je pense que c'est un livre de tafsir de Az-Zamakhshari. Az-Zamakhshari, c'est un Mu'tazili. Et donc, il dit ici, le cheikh, qu'il fait sortir l'i'tizal qui est dans son tafsir avec les ciseaux. Et donc, lui ici, le cheikh, il dit la même chose pour Cheikh Rabi', il fait sortir la Hizbiya avec les ciseaux. Et donc, il dit, moi, je vous conseille donc de lire ces livres. Et de même que ces cassettes, de profiter de ces cassettes. Et dans une autre, donc ça on a déjà lu celle-là, un autre exemple de ces paroles, « Wa fi su'al 135, lama su'ila anil ulama allazina yurja'u ilayhim faqal, wa shaykh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali fa huwa ayatun min ayatillah fi ma'rifat al-hizbiyin, walakin la ka ayati Iran al-Dajjalin. » Subhanallah. Donc, le cheikh, on lui a posé la question dans un de ses livres, dans le livre, je pense c'est Tuhfatul Qarib, Tuhfatul Qarib wal Mujib. La question 135, on lui a posé la question à propos des ulama vers qui on doit retourner, et Cheikh Muqbil il a dit, et le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, parce que c'est un signe parmi les signes d'Allah à propos de la connaissance des Hizbiyin, c'est-à-dire le fait d'avoir la connaissance de qu'est-ce que c'est, qui sont les Hizbiyin, et la connaissance de la Hizbiyya. Et il dit, c'est un des signes d'Allah, hein, comme on dit Ayatullah, hein, c'est un signe d'Allah, pas comme les Ayatullah de l'Iran, hein, les menteurs. Hein? Le cheikh il dit, comme en voulant dire, c'est un signe d'Allah, mais pas comme ceux qui sont en Iran, ceux qu'on appelle les ayatollahs en Iran, là, ça c'est des menteurs. Après, il dit ensuite, wa fi su'al 140 su'ila wa man al-ulama wa min ulama as-Saudiyya tansahuna bil akhd 'anhum wa habatha law dhakarta lana ba'd al-asma. فقال أما الذين أنصحوا بالأخذ عنهم والذين أعرفهم فهم الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومذكور بالخير وإن كنت لا أعرفه ويمكن أن يستنصح الشيخ ربيع لأنه أعلم وأنا بعيد عهد بتلك البلاد. Donc on a posé la question au Cheikh Muqbil à propos des ulama en Arabie Saoudite et de qui il donnait le conseil, de qui prendre la science parmi les ulama en Arabie Saoudite, et on aimerait que vous nous mentionniez quelques noms parmi les noms des savants là-bas. Et le Cheikh Muqbil a dit, parmi ceux que je donne le conseil de prendre la science chez eux en Arabie Saoudite, ceux que je connais parmi eux, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, le Cheikh Rabi' ibn Hadi, et le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, et le Cheikh Salih al-Fawzan, on parle de lui en bien, et il dit, même si je ne le connais pas, mais je vous conseille de demander à Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là, parce qu'il connaît, il sait mieux que moi, et moi ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans ces pays. Hein? Et on sait très bien que Cheikh Al-Fawzan, c'est un des grands ulama et des imams de la sunna à notre époque. Donc ça c'est des exemples que on voit que Cheikh Rabi' est placé parmi les plus grands savants de l'Arabie Saoudite. Par Cheikh Muqbil ibn Hadi. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit parmi les grands savants qu'il fasse partie du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite. Hein? Le comité des grands savants contient des savants qui sont parmi les plus grands savants, mais ça ne veut pas dire que tous les grands savants sont dans le comité. Il peut y avoir aussi des grands savants qui ne font pas partie du comité, mais qui sont aussi parmi les grands savants. Hein? Et Cheikh Rabi, il n'y a pas de doute que il fait partie des grands savants de l'Arabie Saoudite. Naam. Ensuite, un autre exemple. Il dit وفي سؤال 144 أثناء حديثه عن عبد الرحمن عبد الخالق قال أنا أرى أنه لا يستحق الرد وبحمد الله فقد قام الشيخ ربيع حفظه الله بما أوجبه الله عليه فيشكر على هذا. Donc, le chef, il dit, pendant qu'il parlait de Abdurrahman Abdul Khaliq, il dit, moi, même si je considère qu'il ne mérite même pas qu'on le réfute, hein, ou qu'on lui réponde, mais par la grâce d'Allah, le Cheikh Rabi, hafizallah, il a rempli le devoir, hein, son devoir, le devoir qu'Allah a mis sur lui. Dans ce domaine, dans cette question-là, c'est-à-dire Cheikh Rabi, il l'a réfuté, donc il est remercié pour cela. Hein. Il mentionne également au fils Su'al, 162, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فمن هؤلاء العلماء الشيخ ابن باز حفظه الله، والشيخ الألباني حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ ربيع بن هادي، والشيخ عبد المحسن العباد حفظهم الله. وفي نفس الرسالة تحت عنوان من وراء التفجير في أرض الحرمين أوصى الشيخ مقبل أهل الكويت بما يلي: كما أنصح بدعوة أخينا الشيخ بدعوة أخينا ربيع بن هادي المدخلي إلى زيارة الكويت من أجل أن يبين ضلالات عبد الرحمن عبد الخالق وضلالات السرورية والقطبية. Donc ici le Cheikh Mokbel il dit dans la question 162 dans le livre Tuhfatul Qarib wal Mujib, il dit: et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va rester victorieux sur la vérité, et ceux qui s'opposent à eux, ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, et ils seront ainsi. Parmi les ulama, il y a Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi' ibn Hadi et le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Donc ça c'est les noms des savants qu'il a mentionnés. Et dans un autre livre, derrière les attentats dans les Terres Saintes, il a écrit un livre qui a ce titre, et il a dit, et je donne le conseil, c'est-à-dire Cheikh Mokbel a donné le conseil aux gens du Koweït, et il a dit, je vous conseille la da'wa de notre frère Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, de l'inviter pour visiter le Koweït, pour qu'il clarifie les égarements de Abdurrahman Abdul Khaliq et les égarements des Sururiyah, de la secte des Sururiyah, ceux qui suivent Mohammed Zain Abidin Surur, et des Qutbiyya, c'est-à-dire ceux qui sont en train de suivre le manhaj de ces Qutb, parmi les Jihadiyya et les Takfiriyin et les Khawarij de notre époque. Un autre exemple aussi, ça c'est la dernière citation de Cheikh Mokbel. Il dit: وفي تقديمه لكتاب محمد الإمام تنوير الظلمات على page 6, فكم من حزبي كانت له صولة وجولة بعد بل تطلق عليه الألقاب الضخمة وبعد بيان أهل السنة حاله مات وماتت فكرته ومن علماء أهل السنة الأفاضل المعاصرين الواقفين في وجه أصحاب الباطل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي وآخرون. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Mokbel, il a dit dans l'introduction du livre de Cheikh Mohammed al-Imam Tanwir al-Zulumat, l'éclaircissement des ténèbres, à propos des élections, la réfutation des élections, la page 6, il dit: combien de Hizbi qui avaient, c'est-à-dire qu'on le voyait partout, on l'entendait partout, c'est quelqu'un qui avait une réputation, et qui était connu, qui commençait à devenir célèbre, et on lui donnait des titres, des grands titres, on parlait de lui avec des grands titres, le grand savant, le cheikh, et un tel. Et puis après que les gens de Ahl Sunna aient clarifié son état, eh bien il est mort. Son idée et sa pensée est morte. Et les ulama, parmi les ulama nobles ulama de notre époque qui se tiennent devant les gens de la fausseté, il y a parmi eux le Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, et le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, et le Cheikh Rabi' ibn Hadi et d'autres. Donc c'est pour dire que qu'est-ce que le Cheikh Mokbel il dit ici, c'est la vérité, parce que beaucoup de gens que les gens écoutaient, que les gens considéraient comme étant des savants, des gens de référence, ils pensaient que c'était des gens de la sunna, des salafis, et les gens les écoutaient. Lorsque les savants de Ahl Sunna ont parlé et ont clarifié leur situation et leur état, eh bien ils sont morts. Aujourd'hui, on n'entend même plus parler d'eux. Hein? Et tout ça, c'est parce qu'ils ont opposé le Coran et la Sunna et la voie des salaf al-salih. Il y en a plusieurs comme ça. Hein? Regardez maintenant. Regardez où ils sont maintenant. Beaucoup d'entre eux. Hein? Comme à l'époque, je me rappelle, il y avait Abdurrahim al-Tahan. Tahan, on n'entend plus parler de lui maintenant. Il est mort. Il n'est pas mort, mais il est mort. Parce que yani, les ulama d'Ahl-Sunna l'ont frappé tellement dur, il ne peut plus. Hein? Tous les gens ont cessé de l'écouter parce que c'est quelqu'un qui avait des déviations et des égarements. Tous les savants l'ont réfuté, sans exception. Hassan al-Turabi, la même chose. Yani, et plein d'autres encore. Plein d'autres encore, des exemples de cette catégorie. Et vous allez voir que tous ceux aujourd'hui qui font du bruit et que les ulama ont réfuté et qui essaient de se débattre contre la vérité, vous allez voir que ça va être la même chose pour eux. On n'entendra plus parler d'eux dans très longtemps, dans pas longtemps, on n'entendra plus jamais parler d'eux. Mais le rappel et le nom des grands ulama, le sunnah, ces noms-là vont toujours rester. Alhamdulillah. Donc, regardez à l'époque de Cheikh Ibn Taymiyyah, à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, combien des savants de Bid'a et de Soufiya et de Asha'ira et d'autres sectes qui opposaient Ibn Taymiyyah, qui ont donné beaucoup de misère à Ibn Taymiyyah, alors que eux ils avaient des postes et ils étaient parfois des juges et ils avaient des situations et des postes importants. Et aujourd'hui, on ne connaît même plus leur nom et on ne sait même plus. On ne sait même pas qui ils sont, mais les livres de Cheikh l'Islam et le nom de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il est partout. Hein? Il est partout. Tandis que eux, leur rappel, il est mort. On ne sait même plus qui ils sont. Personne ne les connaît. Même ceux qui suivent leur voie, ils ne les connaissent pas. Hein? Donc c'est pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne toujours la victoire aux gens de la Sunna. Peu importe. Un autre exemple des paroles des ulama par rapport à Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et qui font l'éloge de Cheikh Rabi', il y a al-Allama al-Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Il dit qala fi kitabihi al-Mawrid al-Uzb al-Zulal safha 251 an al-Mut'assibin li-Sayyid Qutb wa ara'ihi al-Munharifa وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعة الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة وجعلوه متجنيا عليه وظالما له ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام والتحامل على عثمان رضي الله عنه وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين وجعلها فجوة ونيله من باقي الصحابة وجهله بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وفي غير ذلك والله المستعان انتهى كلامه. Donc le Cheikh Zida, Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, qui était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, hein, et un des grands ulama parmi les élèves du Cheikh Mohammed Abdullah al-Qara'awi, dont on a parlé dans les premiers cours, dans le deuxième cours et le troisième, on a mentionné son nom, on a expliqué sa biographie. Hein? Donc, Cheikh Ahmed al-Najmi fait partie des élèves du Cheikh al-Qara'awi. Et il dit dans son livre Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal, qui est écrit pour réfuter justement les bid'a des Ikhwan et les bid'a des Sururiyah, C'est un très très bon livre. Il l'a écrit à la page 251 pour répondre à ceux qui sont fanatiques des positions de ces Qutb et de ces opinions déviées. Cheikh, il dit, ils ont glorifié et agrandi ces Qutb. Hein? Et donc, ça leur a fait prendre une position vis-à-vis de ce qu'il a dit, comme si tout ce qu'il a écrit dans ses livres était vrai et correct, même si c'est contraire aux preuves de la religion, du Coran et de la Sunna, et même si c'est en opposition avec la méthodologie des salafs. Et on voit cela très clairement dans la rébellion de paroles et de rumeurs médiatiques qui sont lancées contre le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Lorsqu'il a réfuté Sayyid Qutb sur certaines des erreurs de Aqidah qu'il a fait, qui sont très laides et très graves, ils ont fait de Cheikh Rabi' un criminel. Comme si Cheikh Rabi' avait fait un crime contre Sayyid Qutb, et comme s'il avait fait une injustice à Sayyid Qutb. Et ils n'ont pas été honnêtes et justes vis-à-vis du Cheikh Rabi' en retournant aux exemples de paroles et de citations avec les numéros de pages que Cheikh Rabi' a mis dans son livre pour témoigner de ce qu'il a mentionné à propos de Sayyid Qutb pour prouver ses propos. Lorsque, par exemple, Sayyid Qutb parle contre le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il attaque Uthman radiallahu anhu et qu'il fait tomber son khilafa parmi les khulafa al-rashidin, Sayyid Qutb, il dit que le khilafa de Uthman, c'était pas un vrai khilafa, il fait pas partie des khulafa al-rashidin, c'est un espace vide entre les quatre, comme ça, en voulant dire, il y a eu Abu Bakr, puis il y a eu Omar, puis il y a un espace, puis après il y a Ali radiallahu anhu. Donc le khilafa de Othman, c'était un espace, comme si c'était un trou entre les autres, entre Abu Bakr et Omar et Ali. Donc ça veut dire son khilafa, il compte pas, il n'était pas rachid, il n'était pas bon. Subhanallah. Ça, c'est une grave insulte, une grave attaque qui ressemble à l'attaque des Rafida contre les Sahaba. Il a attaqué également et insulté d'autres parmi les Sahaba dans ses écrits. De même que son ignorance de la réalité du Tawhid dans l'adoration. Pour lui, Tawhid al-Rububiyya, c'est ça le plus important, et c'est ça le Tawhid. Tawhid al-Rububiyya, comme les gens de Kalam. Comme les Asha'ira et les gens de Kalam, Maturidiyya, Al-Jahmiyya et les autres, ils ne considèrent pas Tawhid al-Uluhiyya. Et de même qu'il a suivi la voie des Asha'ira dans la déformation et la falsification du sens des attributs d'Allah. Donc il a suivi la voie des Asha'ira là-dedans. Comme par exemple, il nie Al-Istiwa al-Arsh. Il dit que ça veut dire Al-Haymana. Tu vois, pour lui, ça veut dire Al-Haymana. C'est-à-dire qu'Allah, il a pris le contrôle et le pouvoir du trône. Ça ne veut pas dire pour lui qu'Allah est au-dessus de son trône, qu'il s'est élevé au-dessus du trône, comme c'est son vrai sens, selon l'explication des ulama de la langue arabe, lorsqu'ils expliquent le verbe istawa ala, qu'est-ce que ça veut dire. Et comme ça a été expliqué également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par les sahaba, et par les tabi'in, et par les tabi'i tabi'in, que al-istiwa, ça veut dire de s'élever au-dessus de, et que c'est ce que ça signifie dans le verset. Et ils ont tous pris cet attribut-là dans ce sens-là. Donc ça, c'est une déformation des Asha'ira, et cette Qutb, il a défendu cette parole-là. De même qu'il a également essayé de diluer plusieurs questions qui ont rapport avec l'aqidah, sans mentionner également, parce que le cheikh il l'a pas mentionné ici, mais ça c'est quelque chose qui est bien connu, il a également défendu l'aqidah des hérétiques parmi les soufis, la croyance en wahdatul wujud, c'est-à-dire l'unicité de l'existence, que, c'est-à-dire que tout ce qui existe pour eux, c'est Allah, et Allah est tout. Donc, tout ce qui existe est Allah, et Allah est tout. Et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Le créateur, c'est la créature, et la créature, c'est le créateur. Pour eux, il n'y a pas de différence entre les deux. Et pour eux, c'est ça l'unicité, et pour eux, c'est ça le tawhid. Et celui qui distingue entre le créateur et la créature, pour eux, est un mushrik. Hein? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas une seule existence. Donc ça, c'est du kufr, yani. C'est pire que le kufr des chrétiens, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a mentionné. Et c'est pourtant la croyance de la majorité des soufiyines. Et Sayyid Qutb, il défend cette interprétation-là dans son tafsir Zilal al-Qur'an, et en particulier dans l'explication qu'il a faite de Qul huwa Allahu Ahad, hein, surat al-Ikhlas. Donc une sourate qui parle du tawhid, il met du shirk dedans dans son tafsir. A'udhu billah. Il met du kufr dedans. Donc ça, c'est l'exemple, yani, de l'égarement de cet homme. Et il y a beaucoup d'autres égarements aussi. Et le cheikh, il met ici en note de bas de page, parce que ça, c'était la fin de la citation. Il dit: والعجيب أنهم أشاعوا أن الشيخ حفظه الله فصل من الجامعة ومع أنه درس فيها حتى تقاعد وأشاعوا أنه أخرج من المدينة وكذبوا بل خرج لأمور صحية وانتقل إلى مكة برغبة منه فهم لا حياء عندهم نعوذ بالله من البهت. Donc il dit, qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont émis des rumeurs contre le cheikh, hafizahullah, qu'il a été renvoyé de l'université, alors que c'est faux. Le cheikh a enseigné dans l'université jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Ils ont émis comme rumeur que le cheikh a été expulsé de Médine, ce qui est également un mensonge. Ils ont menti, puisque le cheikh a quitté Médine pour des raisons de santé, hein, parce que le cheikh, il était malade, et le climat de Médine lui convenait pas, et donc ça, c'est ce que j'ai appris lorsque j'étais là-bas, parce que c'est à l'époque où il a déménagé, c'est justement à l'époque où j'étais là-bas, et c'était pour des raisons médicales, hein. On lui a conseillé le climat de Mecca, puisque le climat de Mecca est plus humide, et c'était mieux pour sa santé. Donc le cheikh, il a quitté Médine pour ces raisons-là, et de toute façon Mecca est mieux. Il a plus de mérite que Al-Madina, puisque Mecca, c'est là qu'il y a Al-Haram, hein, la Masjid Al-Haram, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de barakat là-bas aussi. Donc même si c'est pas, même s'il a quitté une ville, il est parti pour une autre ville aussi qui est meilleure. Donc il n'y a pas de critique à faire contre lui sur ça. De même que il est parti de son plein gré, hein, c'est lui qui a pris cette décision là et en plus il était là-bas déjà, il a fait ses études là-bas dans le passé. Donc fahum la haya alahum, donc ça dit, c'est des gens qui n'ont pas de, ils n'ont pas de honte, ils n'ont pas de honte même de mentir sur le cheikh et de dire des mensonges sur le cheikh. Et parmi les exemples des haddadiyya que vous trouvez, par exemple dans les exemples des haddadiyya qui n'ont pas de respect envers les ulama, vous allez voir que par exemple ils prennent une parole du cheikh hors de son contexte, hein, ils coupent une partie de la parole n'importe où et ils la prennent hors de son contexte, et puis après ils appellent un savant et ils vont faire entendre cette parole à un savant pour par exemple dire: regardez cette parole, est-ce que c'est correct? Et là, le savant, il va répondre, il va dire: non, ça, c'est de l'égarement, ça. Et après, ils vont prendre cette parole de ce chef qui a dit que c'est de l'égarement, et ils vont mettre un autre titre. Ils vont dire: un tel chef a dit à propos de Cheikh Rabi qu'il est un égaré. Hein? Puis là, ils vont mettre la parole, l'audio, et ils vont faire croire aux gens comme si cette parole a été dite à propos de Cheikh Rabi, hein? Alors qu'en réalité le Cheikh, il a même pas su qui a dit cette parole et est-ce que c'était vrai ou quoi que ce soit de ce genre. Le Cheikh, il a juste répondu par rapport à une parole qu'on lui a fait entendre sans savoir nécessairement qu'est-ce qui était derrière, ni de qui cette parole a été dite, et eux, ils l'appliquent sur un cheikh comme Cheikh Rabi ou d'autres parmi les chouks, les ulama. Ça, c'est la voie des haddadiyya. Hein, la voie des haddadiyya, c'est ceux qui essaient d'attaquer les ulama salafiyins, de les accuser de choses et de les rabaisser. Ils n'ont pas de respect pour les ulama qui défendent la sunna. Hein? Tandis que les gens qui sont dans l'égarement et qui sont dans toutes sortes de formes de déviation, ils n'en parlent pas. Hein? Ils se concentrent que sur les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Fawzan. Hein? Ça, c'est contre eux qu'ils font la guerre. Puis après, ils se disent salafi. Hein? Donc ça, c'est des exemples d'égarement de ces gens-là. D'autres exemples des paroles de Cheikh Ahmed al-Najmi, il y en a plusieurs. Il a des commentaires dans l'introduction du livre de Cheikh Rabi, justement, Jama'atun wahidatun la jama'at. Il a fait l'introduction dans une préface. Il dit قال رحمه الله في تقريره لكتاب جماعة واحدة لا جماعات وإن الواجب على من عرف من نفسه القدرة على تمييز الحق من الباطل والسنة من البدعة أن يقوم على من عرف من نفسه على أن يقوم على أن يقوم بذلك. نعم من عرف من نفسه القدرة على تمييز الحق من الباطل والسنة من البدعة أن يقوم بذلك. ولعل الشيخ ربيع ممن جرب نفسه في هذه المواقف الجهادية فنصح ولله الحمد. وقد رأيت أن الشيخ ربيع كان موفقا في نقده هذه الأخطاء والرد عليها بالأدلة الصحيحة والفكرة الصائبة والأسلوب المعتدل، فجزاه الله خيرا وأثابه على ما بذل من وقت وجهد. وإني لأوصي الشباب بقراءة كتبه حتى لا تنطلي عليهم البدع ولا تغرهم بروق خلب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. Donc dans l'introduction du livre النصر العزيز du Cheikh Rabi et du livre جماعة واحدة لا جماعات, il a écrit, il dit, il est de notre devoir, où il est du devoir de celui qui a en lui-même su qu'il a la capacité de distinguer entre la vérité et le faux, et de distinguer entre la sunna et la bid'a, de le faire. Et probablement que le Cheikh Rabi fait partie de ceux qui ont l'expérience à ce sujet, hein, qui a fait lui-même l'expérience de ses différentes positions de djihad, et qui a été sincère, qui a donné le conseil, parce que de réfuter les gens de bid'a et les gens de l'égarement, et de défendre la religion d'Allah, et de protéger la sunna, et de réfuter les bid'a et les innovations des hizbiyin et des khawarij et takfirin, et ainsi de suite, ça fait partie du djihad, hein? C'est le plus grand djihad. Donc il dit, donc alhamdoulillah, hein? Il dit, j'ai vu que le Cheikh Rabi a eu le succès dans ses critiques qu'il a fait de ces erreurs de ces gens là et dans ses réfutations qu'il a faite avec les preuves authentiques, avec une pensée qui est droite au but, qui est claire, un style qui est modéré, alors que Allah le récompense de la meilleure façon. Hein? Et vous voyez comment le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, est le style modéré, contrairement à ceux qui l'accusent aujourd'hui de faire partie des extrémistes, comme Ali al-Halabi, hein? Et d'autres également, comme Abul Hassan al-Ma'ribi, et d'autres également, qui accusent le Cheikh d'être extrémiste ou d'être parmi les extrémistes, et parmi également les gens de l'Angleterre, comme Abu Usama Zahabi de la mosquée Green Lane, hein, que certains y suivent par ignorance. Hein. Donc, c'est des gens qui accusent les Cheikh Rabi et d'autres ulama qui suivent la voie des salafs d'être des extrémistes parce qu'ils mettent en garde contre des innovateurs et des gens de Hizbiya et de Bid'a. Donc, le Cheikh Ahmed, lui, il dit ce style modéré. On voit tout de suite la différence. Hein? Alors que Allah le récompense en bien, il lui donne la récompense pour ce qu'il a fait comme effort et qu'il a dépensé de son temps et de son effort. Et je donne le conseil aux jeunes de lire ces livres pour ne pas qu'ils se fassent prendre par les innovations et pour ne pas qu'ils soient trompés hein, par les titres brillants des gens de Bid'a. Et il dit que Allah nous fasse voir la vérité telle qu'elle, hein, et qu'il nous donne le succès de le suivre, de suivre cette vérité, et qu'il nous montre la fausseté comme étant fausse, et qu'il nous donne la possibilité de nous en écarter, et qu'il fasse en sorte que les choses ne soient pas mélangées pour ne pas qu'on s'égare. De nous montrer la vérité clairement. Un autre exemple des paroles. Lorsque le Cheikh Rabi a écrit la réfutation contre Adnan Ar'o, hein, il a dit, Amma Cheikh Ahmed al-Najmi a dit à propos de cette réfutation dans la cassette, من أحكام العلماء في مقالات عدنان عرعور إلى ذي أما الشيخ ربيع معروف جهاده في إظهار السنة والرد على المبتدعين جزاه الله خيرا. Donc il dit en ce qui concerne Cheikh Rabi, alors ses efforts pour montrer la sunna hein, et pour réfuter les gens de bid'a sont très connus, sont bien connus, alors que Allah le récompense en bien. Hein? Et on a demandé également quelle est votre opinion au sujet de ceux qui critiquent Cheikh Rabi ibn Hadi. Et dans la question, ils avaient mentionné Faleh al-Harbi. Ça, c'était bien entendu avant que Faleh al-Harbi tombe dans Al-Haddadiyya. Quand il est tombé dans Al-Haddadiyya, hein, il commence à critiquer les ulama d'Ahl-Sunnah sans preuve. Hein, il a tombé dans l'exagération, eh bien, Cheikh Rabi l'a réfuté devant tous les ulama, alhamdoulilah. Donc, quelle est votre opinion à propos de celui qui attaque Cheikh Rabi? Cheikh Ahmed al-Najmi, il a répondu, il a dit, « وَالَّذِي يَطْعَنُ فِي هَؤُلَا هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عِنْدَهُ دَخِيلَهُ أَنَّهُ مُبْتَدِعُ أَوْ مُسَاعِدٌ لِلْمُبْتَدِعِينَ يَتَعَاوَنُ مَعَهُمْ لِأَنَّ هَؤُلَاء أَصْحَابُ السُنَّةِ ولا يطعن في أصحاب السنة إلا من هو مفتون وضال ونسأل الله أن يهدي الجميع. Donc le Cheikh il dit, celui qui les attaque ceux-là, c'est les ulama de la sunna comme Cheikh Rabi, eh bien ça prouve que celui-là il a été il a été touché par des idées qui sont rentrées chez lui, des bid'a, que c'est un innovateur ou quelqu'un qui aide les innovateurs et qui collabore avec eux. Et ceux-là sont des gens de la sunna. Et celui qui attaque les gens de la sunna, hein, il n'y a personne qui attaque les gens de la sunna, excepté que c'est quelqu'un qui est éprouvé et qui est dans l'égarement. Et on demande à Allah qu'il guide tout le monde, hein, qu'il nous guide tous. أبقى الشيخ الزي وسئل الشيخ رحمه الله هل يمكن أن تعتبر الشيخ ربيع المدخل أن هل يمكن أن تعتبر الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وعنان عرعور أقران سبحان الله الجواب لا كما لا يقارن بين الثرى والثرية عدنان عرعور يظهر منه أنه حزبي ويأوي الحزبيين ويتكلم على السلف ويريد جرح السلفيين ويريد أن يقضح في السلفيين ولكنه يحامي عن المبتدعين أما الشيخ ربيع معروف بجهاده في إظهار السنة والرد على المبتدعين. Donc, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il est possible de considérer que Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali et Adnan Ar'our soient des aqran, c'est-à-dire des compagnons ou déjà de la même catégorie, de la même génération ou de la même sorte? Parce qu'il y en a qui disent ça, on ne peut pas accepter les critiques de quelqu'un lorsque ça vient de quelqu'un de la même, yani, même génération que lui ou même âge que lui. Deux personnes qui se critiquent du même âge, on ne prend pas la critique de l'un contre l'autre. Et bien entendu, cette règle ou cette parole, on ne doit pas la prendre de façon générale ou absolue, hein, puisque lorsque la critique qui est faite, elle est supportée et basée sur des preuves, des éléments, des références, hein, et des explications détaillées. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser cette règle pour refuser d'accepter cette critique. Et donc, ici, le cheikh, il répond, cheikh Ahmed al-Najmi, et il dit, non, on ne peut pas les comparer du tout. Il dit, premièrement, Adnan Ar'our, c'est quelqu'un de qui on voit que c'est un hizbi, et qu'il protège les hizbiyim, et il parle contre les salafs, et il veut attaquer et critiquer les salafiyins. Et moi, je peux témoigner de ça, puisque quand il est venu à Montréal, subhanallah, je pense que c'était en 98, autour de ces années, 99, quand il est venu, il a fait que ça, attaquer les salafiyins et se moquer d'eux et les dénigrer devant les awam, et devant des gens même qui avaient des choubouhats ou des bid'ahs. Donc il dénigre les salafines devant eux et le manhaj les salaf. Donc c'est ça sa méthode. Et il dit il veut attaquer les salafines et il défend les gens de bid'ahs, les mubtadi'in. En ce qui concerne Cheikh Rabir, eh bien lui il est connu dans sa lutte pour montrer la sunna et réfuter les gens de bid'ahs. Donc on ne peut pas les comparer les deux. Le cheikh, on lui a posé la question ici, bien il a parlé ici, dit fi raddihi ala Abi al-Hasan al-Misri. Al-Sheikh Rabi rajul mujahid jazahullahu khayran. Ana akhbituhu bi jihadihi fi nashr as-sunnah wa qam' al-bid'ah wa ahliha wa ihtimamihi bis-sunnah wa nashriha bi kulli ma yastati'. Asallallahu an yajziyahu an dhalika khayr al-jazaa. ومن أجل ذلك فأنا وجميع أهل السنة نحبه. سبحان الله. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi il dit que donc Cheikh Rabi dans sa réfutation de Abu al-Hasan al-Misri, Cheikh Rabi il a dit à propos de Cheikh Ahmed al-Najmi a dit à propos de Cheikh Rabi quand il a réfuté Abu al-Hasan al-Ma'ribi al-Misri, il a dit Cheikh Rabi c'est un homme mujahid. C'est-à-dire, c'est un homme qui fait le djihad, hein, en réfutant les gens de bid'a. Que Allah le récompense en bien. Et il dit, moi, c'est comme si je le supporte, dans son djihad pour réfuter, pour propager la sunna et pour réfuter et écraser la bid'a et les gens de bid'a. Et je l'encourage pour, l'importance qu'il donne à la sunna. Et pour propager la sunna avec tout ce qu'il est capable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la récompense, la meilleure des récompenses, pour qu'est-ce qu'il fait. Et c'est pour cette raison-là que moi-même, ainsi que tous les gens de la sunna, nous l'aimons. Hein? C'est pour cette raison que moi-même, ainsi que tous les gens de la sunna, nous l'aimons. Et il dit également dans son introduction de la réfutation de Cheikh Rabi, quand Cheikh Rabi a réfuté Hassan Farhan al-Maliki, al-Rafidi, al-Dal, donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il a écrit une introduction à sa réfutation. Il a dit, فَتَصَدَّ لَهُ الشَّيْخ رَبِيعُ ابْنُ هَادِي الْمَدْخَلِي الَّذِي مَارَسَ هَذِهِ الْمَعَامِعُ من زمن طويل جهادا في سبيل الله ودحرا لأعداء الله وبيانا لمن انطوى عليه هؤلاء المبتدعة من ضلال زعموه هدى وغواية زعموه أو زعموها رشدا فهنيئا له ما قام به من جهاد لصالح الإسلام ودافع به عن السنة المطهرة فجزاه الله خيرا وبارك فيه وأسأل الله أن يثيب أن يثبتنا وإياه على الحق. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi il dit dans cette introduction là du livre de Cheikh Rabi, il dit il a tenu tête à cet individu qui est dans l'égarement et il a l'expérience. Cheikh Rabi il a fait un jihad dans le sentier d'Allah depuis très longtemps. Il a combattu les ennemis d'Allah. Il a clarifié ce qu'il contenait, ce que ces innovateurs avaient ou cachaient comme égarement qu'ils ont pensé être de la guidance et de la déviation qu'ils ont pensé être de la droiture. Félicitations au cher Rabi pour ce qu'il a fait comme lutte pour défendre l'islam et pour défense de la sunna purifiée et pure, et que Allah le récompense en bien et qu'il lui donne la bénédiction. Et je demande à Allah de le récompenser, de le raffermir sur la vérité. Et également il a fait d'autres commentaires aussi à ce sujet là. Il a été questionné aussi à propos de Cheikh Zayd, Cheikh Rabi aussi, et à propos de ceux qui les critiquent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Comme Cheikh Ibn Baz disait au tout début, celui qui critique Cheikh Rabi et qui appelle les salafis des madakhila, en même temps il est en train d'attaquer tous les autres ulama, Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani et tous les autres ulama aussi, parce que ils étaient tous sur la même voie, le même manhaj, la même compréhension, la même voie. Et donc c'est pour cette raison là que celui qui le critique, c'est comme s'il a critiqué tous les autres. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna aussi fait l'éloge de Cheikh Rabi. Il dit, et ça c'est un cheikh qui est en Égypte, un cheikh très âgé, qui est presque le même âge que Cheikh Rabi, il dit: da'a al-allama al-Banna cheikhana al-madkhali lil-asha wa talaba minni حفظه الله أن أصحبه وعندما وصلنا منزل الشيخ البنا رحمه الله وجدناه عند بابه وسلمنا عليه فكان يحاول تقبيل رأس الشيخ ربيع والشيخ ربيع يرفض فقال البنا شيخنا فقال الشيخ ربيع أنت شيخي ولست أنا شيخك وبعد العشاء وعند خروجنا كان هناك مجموعة من طلبة العلم قال البنا الذي أدين الله به أن الشيخ ربيعا مجدد القرن الرابع عشر في الجرح والتعديل انتهى كلامه. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, il est décédé. Il a un frère qui s'appelle Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna. Le Cheikh Mohammed, c'est son grand, je pense que c'était son grand frère, lui il est décédé rahimahullah, tandis que le cheikh Hassan il est encore vivant rahimahullah, hafizahullah. Donc il a invité le cheikh Rabi al-Madkhali pour souper, pour manger chez lui, et il a demandé à ce que je sois là et que je l'accompagne. Cheikh Rabi il a demandé à son élève qu'il l'accompagne, cheikh Abu Hammam. Donc ils sont partis à la maison du Cheikh Mohammed al-Banna et ils l'ont trouvé devant sa porte. Et quand ils sont arrivés devant la porte, ils ont donné le salam et le Cheikh Mohammed al-Banna a essayé d'embrasser la tête de Cheikh Rabi. Et Cheikh Rabi a refusé. Et le Cheikh al-Banna a dit, Cheikh Mohammed al-Banna a dit, notre Cheikh, c'est-à-dire en voulant dire comme si Cheikh Rabia, c'est mon cheikh. Alors Cheikh Rabia, il a répondu, il a dit non, c'est toi qui es mon cheikh et c'est pas moi qui est ton cheikh. Hein? Et après avoir mangé, et lorsqu'il sortait de sa maison, il y avait un groupe d'étudiants également en sciences et Cheikh Al-Banna, Mohamed Al-Banna a dit à ce moment-là, ce que je prends comme religion, hein, et que j'adore, que je prends comme religion, yani, comme étant ma religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand j'adore Allah, et que je considère comme étant un témoignage dans ma religion, c'est que pour moi, celui qui a réformé le 24e siècle, Al-Rabi'a Ashar, c'est ça, parce qu'il parle du calendrier de la Hijra, donc dans le calendrier de la Hijra, le 14e siècle, il parle. Donc il dit celui qui a réformé le 14e siècle, hein, qui a fait la réforme du 14e siècle dans le Jarh al-Ta'dil, c'est Cheikh Rabia. Donc il considère ça comme étant un témoignage qu'il doit faire par rapport à ce sujet-là. Hein, donc ça c'est le témoignage de Cheikh Mohammed Al-Banna, rahimahullah. Il y a également le témoignage de Cheikh Ubaid. Cheikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah. On lui a posé la question, il dit, an Cheikh Rabia, on lui a posé la question à propos de Cheikh Rabia. يعني dans la cassette في بيان بعض الأخطاء عدنان عرعور فقيل له كثر الكلام حول الشيخ ربيع وهل هو عالم من علماء المسلمين فأجاب بقوله الشيخ ربيع ولله الحمد معروف عند الخاصة والعلماء والشيخ أي الشيخ ربيع شيخنا عبد العزيز ابن باز قد زكاه وما كنت أظن أن توجه هذا السؤال لي فقال حفظه الله في بيان له حول فتنة أبي الحسن إني قد تتبعت ما كتبه فضيلة العلامة الشيخ ربيع في تفحصه في وتفحصت بدقة وتفحصته بدقة فوجدت أن جميع ملحوظاته على أبي الحسن حق كلها صحيحة جميعها. أي نعم. Donc le Cheikh Ubaid, il a été questionné à propos du Cheikh Rabia dans une cassette à propos des erreurs d'Adnan Ar'our, et on lui a demandé, beaucoup de gens parlent à propos de Cheikh Rabia, est-ce qu'il est un savant parmi les savants des musulmans? Et Cheikh Ubaid, il a répondu, il a dit, Cheikh Rabia, par la grâce d'Allah, il est connu, yani chez tous les particuliers et les ulama, parmi les hommes de science, hein, et les élites, comme étant, yani un savant. Notre Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il lui a donné une tazkiya, c'est-à-dire il lui a donné une tazkiya. C'est-à-dire il parle de lui en bien, il fait son éloge, hein, il le recommande. Et il dit, je croyais jamais que ce genre de question allait m'être posée à moi. C'est-à-dire qu'on allait me poser une question à moi à propos de Cheikh Rabia. Et il dit également, hafizahullah, dans une clarification au sujet de la fitna de Abul Hassan, al-Ma'ribi al-Misri, il dit, j'ai suivi avec précision ce que Fadilat al-Sheikh al-Allama Rabi a écrit. Et je l'ai analysé dans les détails. Et j'ai trouvé que toutes les observations qui ont été mentionnées par le Sheikh Rabi à propos de Abul Hassan sont toutes véridiques et sont toutes correctes. Et il dit, وقال أيضا إن الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ أحمد النجمي حفظه الله لهم وزنهم العلمي وهم ولله الحمد معروفون بصحة المعتقد وسلامة المنهج واستقامته فلا يجرحون إلا فلا يجرحون إلا من هو أهل أن يجرح أو فلا يجرحون إلا من هو أهل أن يجرح. نعم. ils ont posé la question à Sheikh Ubaid. Ils ont dit que Sheikh Rabi'a hafizahullah et Sheikh non ou plutôt c'est Sheikh Ubaid pardon qui dit que Sheikh Rabi'a et Sheikh Ahmed al-Najmi ils ont leur poids scientifique dans la science, ils ont leur poids dans la science et ils sont par la grâce d'Allah connus comme ayant une aqida authentique, une croyance authentique et correcte et une méthodologie saine hein, et droite. Et donc, ils ne critiquent personne, excepté ceux qui méritent d'être critiqués. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Ubaid al-Jabiri à propos de ces ulama. Et un autre exemple, c'est la parole de Cheikh Ubaid, encore une fois, lorsqu'on lui a posé la question suivante. سئل حفظه الله ما رأيكم في من يقول أن الشيخ ربيع يطعن في المشايخ والعلماء والدعاة فأجاب بقوله الشيخ ربيع صاحب راية قوية رافعة لواء السنة وبشهادة أئمة زكوه وأثنوا عليه فلا ينبغي لمثلي أن يسأل عنه حفظه الله ولكن ما دمت سئلت فلا بد من الإجابة زكاه سماحة الإمام الوالد العلامة الأثري الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله زكاه الإمام الفقيه المجتهد العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وزكاه الإمام المحدث في هذا العصر بلا نزاع الإمام ناصر رحمه الله ووصفه بأنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر ورواية الشيخ ربيع التي رفعها وراية الشيخ ربيع التي رفعها جهادا عن أهل السنة وذبا عنها وعن أهلها وهي شوكة في صدور المبتدعة حتى الساعة ولله الحمد ما هانت ولا لانت وما لانت وما انتكست وبهذا يستبين لكم أن هذه المقولة التي تضمنها السؤال صادرة عن صنفين من الناس صنف ليس عنده خبرة ولا علم بما يجري في الساحة وإنما يقال له فيقول والصنف الآخر وهم قادة هذا الفكر الضال المنحرف المعارض للسنة شق عليهم وغصت حلوقهم وغص في حلوقهم ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله من الرد على القطبيين وغيرهم مما كتبه في سيد قطب وبيان انحرافه وجهالاته وضلالاته وما أبان من الحق لطالب الحق فلا تستغربوا أن يقولوا هذا فالشيخ ربيع لم يطعن في داعية إلى الله على بصيرة أبدا ولم ينل منه شيئا وإنما هو مع إخوانه وأبنائه من المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة يوجه وينصح ويسدد ويعلم ويزيل الشبهة عمن تعرض له أو تعرض له وهذا ما علمناه عنه حفظه الله حتى الساعة. Donc on a posé la question au Cheikh Ubaid. Qu'est-ce que vous dites à propos de Cheikh Ubaid, à propos de Cheikh Rabi'? Qu'est-ce que vous dites à propos de celui qui dit que Cheikh Rabi' attaque ou insulte les ulama, les mashaykhs, les ulama et les du'at, les gens qui appellent à Allah. Alors, Cheikh Ubaid, il a répondu. Cheikh Rabi', c'est une personne qui a une bannière forte qui a soulevé la bannière de la Sunna. Et les, par le témoignage des imams, il y en a des savants qui lui ont fait des éloges et qui ont parlé de bien en lui et qui l'ont recommandé. Et donc il ne faut pas, c'est pas correct de demander à quelqu'un comme moi à son sujet. Hafizahullah. Mais, étant donné que je suis questionné, alors je dois répondre. Alors il dit, parmi ceux qui lui ont fait ces éloges et qui l'ont recommandé, il y a le Cheikh, son excellence, Al-Walid, le grand savant, notre père, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz. De même que le grand imam, le grand savant, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. De même que le grand muhaddith de notre époque, sans aucune contestation, l'imam Nasser, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, et lui-même, ce dernier, l'a décrit comme étant celui qui porte la bannière du Jarh wa Ta'dil à notre époque. Et la bannière de Cheikh Rabi l'a soulevée pour lutter et faire le djihad en défense des gens de la Sunna. Et en défense de la Sunna et de ses gens et de ses supporters. Et c'est une épine dans le cœur des gens de Bid'ah jusqu'à notre époque. Jusqu'à maintenant. Par la grâce d'Allah, elle n'a pas diminué, elle n'a pas cessé, elle ne s'est pas retournée. Il a continué dans sa lutte et dans son djihad contre la Bid'ah et les gens de Bid'ah. Et il dit c'est ainsi que on comprend clairement que la question de la personne qui pose ce genre de questions, elle comprend deux catégories de personnes. Une des catégories de personnes qui dit que Cheikh Rabi attaque les ulama et les mashaykhs et les du'at, la première catégorie, c'est ceux qui n'ont aucune connaissance et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain de la da'wah. Alors, ils ne savent pas qu'est-ce qui est dit à son sujet. On lui dit des choses et il répète. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont à la tête de cette idée égarée et déviée et qui opposent la sunna et qui s'opposent aux gens de la sunna. Ils ont trouvé que qu'est-ce que Cheikh Rabi a écrit en réfutation des Qutbiyyin, des livres de ces Qutb, ça s'est resté pris dans leur gorge. Ils ne l'ont pas avalé. Ils n'ont pas pu l'avaler. Et donc, le fait que Cheikh Rabi a réfuté ces Qutb et clarifié ses déviations et ses ignorances et ses égarements, et qu'il a fait paraître la vérité clairement pour celui qui la recherche, eh bien, c'est ceux-là qui propagent ce genre d'idées. Que Cheikh Rabi, il attaque les ulama et ainsi de suite. Donc, ne soyez pas étonnés de ce que ces gens-là disent. Cheikh Rabi, il n'a jamais attaqué quelqu'un qui fait la da'wah à Allah avec connaissance. Il n'a jamais fait ce genre de choses-là. Il n'a jamais attaqué les du'at et les ulama. Il est au contraire avec ses frères et avec ses fils parmi les musulmans en général et avec les étudiants en particulier, et il leur donne des conseils et il les oriente et il les encourage de rester sur la droiture et il leur enseigne et il retire les ambiguïtés qu'ils ont lorsque ces ambiguïtés là leur sont présentées et les shubuhat leur sont lancées. Ça, c'est ce que je sais à propos de ce cheikh jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est le témoignage de Cheikh Ubayd al-Jabil, hafizahullah. Et donc, il y a aussi le témoignage de Cheikh Sa'd al-Suhaimi, mais on va s'arrêter ici, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais juste pour vous lire juste la fin. Ça, c'est dans l'introduction, justement, du livre de Cheikh Rabi', Cheikh Saleh Suhaimi, il a écrit dans l'introduction du livre Jama'atun la Jama'at, Jama'atun Wahidatun la Jama'at, du Cheikh Rabi', quand il a écrit ce livre-là, Cheikh Salih Souhaimi, il a écrit une introduction à la réfutation que Cheikh Rabi' a écrit de Rahman Abdul Khaliq. Donc, dans cette réfutation-là, il mentionne plusieurs points qui sont très très importants et très intéressants. Il a dit والذي قدمه فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله هو واحد من الإسهامات الكثيرة التي قام بها لنصرة الدين والذب عن السنة والدفاع عن العقيدة وكشف زيف أهل البدع والأهواء بأسلوب علمي رصين ومنهج متوازن يتضح ذلك من خلال تلك المؤلفات القيمة والمحاضرات النافعة واهتمامه بالشباب وتوجيههم إلى المنهج الحق وقضاء كل وقته في خدمة العلم وطلابه مع ما لاقاه من أذى خصوصا من تلك الجماعات الحزبية الغالية التي استهدفت العلماء وطلاب العلم والدعاة السلفيين بالتشويه والإشاعات الباطلة والكذب والتزوير والتدليس وتحريف الكلام عن مواضعه وأقول لهم أقول لهؤلاء وأمثالهم لا يدر البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جزى الله الشيخ ربيع على هذه الجهود العظيمة خير ما يجزي به عباد خير ما يجزي به أو يجزى به عباده الصالحين وأجزل له المثوبة وثقل بتلك الجهود موازينه وإنه قريب مجيب. Donc juste pour vous résumer cette partie-là, parce que la citation est plus longue que ça, mais c'est juste pour le point important où il mentionne les éloges de Cheikh Rabi'. Donc il dit, ce livre de Cheikh Rabi', c'est un grand effort, ce grand effort que Cheikh Rabi' a présenté, Hafizahullah, c'est une de ses flèches, de ses nombreuses flèches, qu'il a lancées pour défendre cette religion, et défendre la sunna, et défendre la aqida, et dévoiler la déviation des gens de la passion et des gens de la bid'a avec une méthode ou un style scientifique et bien ancré, solidement ancré, et une méthodologie équilibrée. Et on voit à travers ses écrits, ses grands écrits, yani, et ses conférences bénéfiques, et à travers l'intérêt qu'il donne aux jeunes et l'orientation qu'il a de les orienter vers la méthodologie de vérité, on voit à travers ça qu'il a yani, cette force et cet amour pour défendre la vérité. Comment il prend de son temps pour défendre et servir la science et les étudiants de science avec tout ce qu'il a endurer comme difficulté et rencontrer comme offense et insulte et difficulté dans cette voie qu'il a empruntée et qu'il a pris, et en particulier de la part de ces groupes et de ces organisations de Hizbiya extrémistes qui attaquent les ulama et qui pointent les ulama et les étudiants en sciences et les gens qui appellent à l'islam parmi les salafis pour essayer de les faire paraître mauvais ou pour leur donner une mauvaise image ou pour répandre contre eux des fausses rumeurs et des mensonges et pour falsifier la vérité à leur sujet et mentir et déformer la vérité et déformer leurs paroles de leur contexte. Et donc je dis à ce genre de personnes, et c'est semblable, la mère, ça ne lui fait aucun tort lorsque lorsqu'un enfant jette dedans une pierre, en voulant dire que si tu jettes des pierres dans, dans l'océan, ça ne lui fait pas de tort. Et bien, lorsque ces gens-là parlent contre Cheikh Rabi, non plus ça ne leur fait aucun tort, hein, puisqu'il est plus grand que eux. Hein, et son bien, il est connu des hommes de science qui sont plus grands que eux et qui sont plus comme si leur parole, c'est leur parole qui est prise en considération, et eux, ils font des éloges de lui, Cheikh Rabi. Donc ceux qui parlent contre lui parmi les petits dans la rue là, hein, les gens de passion et d'égarement, eh bien, ils ne peuvent pas faire du tort avec ces paroles-là à Cheikh Rabi. Et le Cheikh, il mentionne le verset en ce qui concerne la mousse, hein, l'écume, alors elle s'en va, elle part, hein, et tandis que ce qui est bénéfique, il reste sur la terre. C'est ça ce qui reste. Et c'est le verset 17 dans Surat Ar-Ra'd. Donc le Cheikh, il donne cet exemple-là pour mentionner que ce qui reste, c'est ce qui est bénéfique. Et c'est l'exemple que je donnais tantôt à propos des ulama de la sunna, leur rappel reste, tandis que les gens de Bid'a ou les autres Hizmi, on n'entend plus parler d'eux par la suite. Et donc ça, c'est l'exemple. Et vous allez voir dans les années qui vont suivre, Inch'Allah, vous n'allez plus jamais entendre parler de ces Hizmi, de ces gens de Bid'a, hein, dans 50 ans d'ici. Tous ceux qu'on va parler, ou ceux dont on va parler, ça va être les grands ulama seulement, comme Cheikh Rabi, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Taymiyyah. Les autres, on ne mentionnera même plus leur nom. Et donc le Cheikh, il termine en disant donc que Allah récompense le Cheikh Rabi pour tous ses efforts, ses grands efforts qu'il a fait, de la meilleure récompense qu'il a donnée à ses serviteurs pieux, et qu'il lui donne donc cette récompense, et qu'il alourdisse ses balances pour tous ses efforts au jour de la résurrection, hein, pour que sa balance soit lourde en bonnes œuvres. Et il est certes proche, et il exauce les invocations. Donc ça, c'est la fin de toutes les paroles des ulama qu'on voulait mentionner pour expliquer les éloges des savants à propos de Cheikh Rabi. Et donc ça vient compléter cette partie de cette série de conférences qu'on voulait donner à propos de Cheikh Rabi. Maintenant, les prochaines conférences qui vont venir, Inch'Allah, on va essayer de voir combien en tout. Bon, là c'est la sixième, peut-être qu'on va en faire deux ou trois encore, pour réfuter les shubuhat les plus importantes qui sont propagés par les gens de Bid'a, parmi les Sururiya, les Qutbiya, hein, et les Jihadiyin aussi, contre Cheikh Rabi et contre les Salafiyin, que ces gens-là appellent des Madakhila. On va réfuter leurs Shubuhat les plus importantes pour faire comprendre en fait que ceux que ces gens-là appellent des Madakhila sont en réalité personne d'autre que les salafiyins et que les ulama d'Ahlus Sunnah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein, et on continuera cette explication Inch'Allah jeudi prochain. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.